Mardi 29 mars, madame, monsieur, bonjour. C'est l'heure du journal. En voici les grandes articulations. L'agrément de près de 80 nouveaux visages dans le monde médiatique burundais sont sur l'ordre du jour de l'Assemblée ordinaire du Conseil national de la communication CNC tenue ce mardi. Des cultivateurs de la zone Nyangé en commune et province Makamba inquiets des récoltes de la saison culturelle B, c'est suite au manque d'engrais chimiques, un manque expliqué par l'action des groupements coopératifs selon le porte-parole du ministère ayant l'agriculture dans ses attributions. Le pont reliant les communes Gasorgwe et Gachoro de la province Muying est impraticable. Les élèves du lycée Gisanze en souffrent. Ils sont obligés d'aller puiser. Et dans la chronique santé de ce mardi, l'on nous parle du traitement du stress post-traumatique. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par François Kimana. Rebonjour et bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Page communication pour débuter cette édition. Près de 80 dossiers de demande d'agrément des journaux, radio et télévision pendant au Conseil national de la communication CNC sont parmi les points qui seront analysés à ce mardi par le Conseil, par ce Conseil dans une assemblée générale de deux jours. Lors de l'ouverture de cette assemblée, le président du CNC a indiqué que le dossier des radios sous sanction sera aussi parmi les points à l'ordre du jour. Suivez Vestine Nahimana, dont les propos ont été recueillis par Évariste Nzikobanya. Comme vous le savez, on a pas mal les dossiers des médias qui sont à table et qui veulent des autorisations. Comme je l'ai bien souligné au cours de mon discours, le monde des médias continue à s'agrandir et c'est pour cette raison que beaucoup de dossiers, comme j'ai dit, à peu près 80 dossiers, c'est beaucoup comme vous l'entendez, qui attendent des autorisations pour lancer leurs activités officiellement. Donc parmi tant d'autres dossiers, nous allons analyser certaines parmi eux. En dernier lieu, nous allons analyser les réalisations qu'on aura déjà faites pour qu'on puisse savoir finalement qu'est-ce qui reste à accomplir pour le reste de l'année. À la fin de ces travaux, nous aurons aussi un dossier qui est assez important qui concerne la levée des sanctions pour l'un ou l'autre médium qui serait déjà à table en vue de respecter le discours du chef de l'État qui avait bien recommandé à ce que les médias, le CNC, puissent dialoguer et qu'il ne veut plus entendre des médias sous sanction. Si une fois on va trouver que l'une ou l'autre condition déjà posée est levée, vous saurez le résultat. Ambassadeur Vestine Nahimana, présidente du CNC. La mère doit exclusivement allaiter son enfant jusqu'à 6 mois. Docteur Amélie Nijimbe, le médecin pédiatre, précise que non seulement le lait est spécialement adapté aux éléments nutritifs dont a besoin le bébé dès sa naissance, mais il lutte aussi contre certaines maladies comme des infections. Docteur Nijimbele recommande aux mères ayant des difficultés à produire le lait maternel de vérifier leur alimentation et le dit à l'occasion de la Journée mondiale de l'allaitement maternel célébrée tous les 29 mars de chaque année. Suivez-la au micro d'Ornella Mucho. Allaiter son bébé après l'accouchement est très important. Le bébé reçoit les anticorps nécessaires pour la défense immunitaire au niveau ORL, au niveau respiratoire en général, au niveau digestif, au niveau de sa peau parce que ça prévient l'allergie. Et ça permet aussi à l'enfant de grandir correctement, de faire un bon développement psychomoteur, d'avoir une intelligence normale, parce que dans le lait maternel, il y a suffisamment de lactose qui nourrit le cerveau, mais aussi il y a d'autres éléments qui permettent vraiment une croissance harmonieuse. Donc allaiter le bébé, c'est pour une croissance psychomoteur harmonieuse, mais aussi c'est pour une défense immunitaire suffisante par rapport à d'autres aliments. Et combien de temps la mère doit-elle allaiter son enfant? La mère doit allaiter son enfant exclusivement pendant 6 mois, quand cela est possible. Et à partir de 6 mois, c'est mieux de continuer à allaiter jusqu'à 2 ans et de donner d'autres aliments pour compléter le lait maternel qui n'apportait plus à ce moment, après 6 mois, tous les éléments en suffisance. Donc l'enfant doit être complété en protéines, en glucides, en lipides, mais aussi et surtout en vitamines et sels minéraux. Pas les médicaments, tout ça quand je dis c'est pas les médicaments, ce sont des aliments contenant des protéines, des glucides et des sels minéraux et vitamines, c'est-à-dire les fruits et les légumes. L'allaitement maternel a également des bienfaits pour la mère, ajoute Dr Amélie Nijimbere, et fait savoir que l'allaitement réduit le risque de certaines maladies dont le cancer du sein et contribue au bien-être psychologique de la mère. Suivez-la encore une fois. Allaiter son bébé, c'est aussi important pour la mère. Ça permet à la mère de prévenir le cancer du sein, de prévenir le cancer de l'utérus, mais aussi ça permet à la mère d'être bien psychologiquement. Ça prévient, je dirais, la dépression mentale à la mère. Mais aussi, ça économise les dépenses de la famille. Et les mères qui n'ont pas suffisamment de lait maternel, ce qu'elles doivent faire en premier, c'est de vérifier leur état, je dirais, psychologique. Et la famille doit aider à cela. Pour les mères qui n'ont pas suffisamment de lait maternel, il faut que la famille la soutienne. Parce qu'une femme soutenue, je dirais 99% des femmes soutenues, après leur accouchement, exception faite pour les femmes qui accouchent au moment où elles sont très très malades, mais pour toutes les autres, elles peuvent avoir du lait en suffisance, du moins pendant les 4 premiers mois. Après, elles peuvent faire un allaitement mixte, c'est-à-dire donner du lait artificiel et compléter avec le lait maternel. Donc pour les mères qui n'ont pas suffisamment de lait maternel, il faut qu'elles soient entourées, il faut qu'elles soient soutenues et il faut aussi qu'elles vérifient leur alimentation. Parce qu'il y en a très peu, mais aussi il y en a qui évitent de manger, de boire suffisamment pour éviter de trop grossir. Or, je conseille à ces mamans de regarder leur taille après 6 mois. Avant, il faut que, je dirais, qu'elles doivent faire un sacrifice pour bien nourrir leur bébé. Surtout que c'est important aussi pour leur santé à elles. J'aime bien le dire, une mère doit boire pour 2 et manger pour 1. Donc, si elles font tout ça et que ça ne marchait pas, qu'elles sont bien soutenues, qu'elles sont bien psychologiquement, elles peuvent faire un allaitement mixte. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Parlons agriculture à 13h02 dans les studios de la radio Isanganilo. Les cultivateurs de la province de Makamba présentent une mauvaise récolte pour la saison culturelle B. Ce que nos reporters ont rencontré dans la zone Nyangé de la commune de province de Makamba évoque à l'origine de ces inquiétudes les irrégularités observées dans la distribution des fertilisants FOMI. Ces cultivateurs demandent aux instances habilitées de s'impliquer afin qu'ils puissent bénéficier de l'engrais chimique à temps. Les détails avec Marie-Claire Cazenez. Kuburyo bw'uko twiteze yangira tukayibura ngiziya zarapfuye kuko narabuze bitabitse twosaba yuko yangiriziye na twebwe bato bato twoshikira. Les cultivateurs de la colline Mihongo de la commune et province Makamba n'ont pas encore terminé le processus de semer pour la saison culturelle B. Ces derniers indiquent que cela est dû à la pluie qui est tardivement tombée, mais aussi des fertilisants de la FOMI dont ils ont eu du mal à obtenir. La pluie est tombée tardivement, par conséquent le semis a été tardif aussi. Une autre cause, c'est le retard dans la réception des fertilisants. Celle-ci révèle que lorsque l'engrais est disponible, elle est souvent distribuée aux hommes d'affaires. L'engrais nous parvient tardivement car, des fois, on distribue de l'engrais, mais l'engrais ne nous parvient pas. Toutes les quantités sont partagées par les grossistes. Ce sont les grossistes qui sont souvent servis. Ils obtiennent 10 sacs ou 20. Alors que nous, on est enregistrés pour un seul sac. Ces hommes d'affaires vendent par après ces fertilisants aux cultivateurs à un prix exorbitant. On chérit ces cultivateurs de la colline Mihongo. Ces grossistes achètent le sac à 45 000 ou 50 000. Ou tout simplement, ils achètent les bordereaux de versement. Ils ne vous remboursent pas 29 000, ils vous donnent 25 000. C'est une perte. Ces cultivateurs demandent aux instances habilitées de s'impliquer davantage afin qu'elles puissent trouver une solution durable à ce problème répétitif d'insuffisance d'engrais chimiques. Anselme Sinda Ihebura, chef de service de statistiques et de l'information agricole au sein de la DPAE Makamba, fait savoir qu'il distribue de l'engrais tel qu'envoyé par la société FOMI. Notre défi qui est observé, c'est notamment l'engrais dans ces derniers jours. Mais dans les premiers jours, l'engrais a été distribué normalement dans toute la province. Pour le moment, l'engrais arrive à compte-gouttes. On est à la fin de la saison culturelle B. La majorité ont... Poursuivons cette édition justement suite à ce manque de fertilisants produits par la société FOMI. Le porte-parole du ministère ayant l'agriculture dans ses attributions explique ce manque par une forte demande de fertilisants causée par les groupements coopératifs comme facteur expliquant ce manque. C'était vendredi lors de l'émission publique et des porte-paroles de différentes institutions tenues au chef-lieu de la province Rutana. Clément Dikoumasabo rassure les agriculteurs que le ministère est à l'œuvre pour vider la question. Suivez-le dans cette traduction française de Moïse Misago. La sensibilisation au mouvement coopératif, la mise en commun des champs de culture et la culture de la saison sèche et autres sont les activités qu'on constate sur terrain qui sont réalisées par les cultivateurs. Mais avec ces activités, les agriculteurs ont demandé plus d'engrais chimiques comparativement à la saison culturale précédente. C'est visible qu'au cours de la saison culturelle A, la demande était inférieure à celle de la saison culturelle B. Ils ont répondu à l'appel du chef de l'État de s'organiser dans des coopératives afin d'augmenter la production. Au sein du ministère, nous suivons de près cette situation au niveau national. On entend ici et là des agriculteurs qui se lamentent comme quoi ils n'ont pas été servis et d'autres disent qu'ils ont eu de l'engrais avec retard. Nous sommes vers la fin du semis. Au sein du ministère, il y a des conseils qu'on donne aux agriculteurs d'adapter leur culture en fonction des périodes. On suit de près cela afin d'accompagner les agriculteurs. À 13h06 minutes dans le studio de la radio Sanganiro, poursuivons cette édition de l'association Nhabariza, une association militant pour la défense des droits des prisonniers, demande que les amendes ou les indemnités infligées aux détenus ne soient plus un facteur non éligible à une liberté provisoire. Au cours de sa visite dans la province Bururi ce lundi, Jean-Marie Chimilimana, président de cette association, a également déploré la détention de deux petits-enfants vivant avec leur maman dans cette maison. Quelles seront les demandes à leur famille de les récupérer, car la place de ces enfants n'est pas en prison. Le point avec Zenon Zambiman. Jean-Marie Chimilimana, président et représentant légal de l'association Nhabariza, œuvrant dans le domaine de la défense et des droits des détenus, après sa visite effectuée ce lundi dans la prison d'Obruli, il a fait savoir qu'il a constaté que certains détenus ne bénéficient pas de grâce présidentielle suite aux amendes et indemnités figurant dans leur dossier. Jean-Marie Chimilimana demande au ministre de la Justice et Soka, car selon lui, ces amendes et indemnités peuvent être payées par un détenu étant en liberté provisoire. Il fait savoir que son association compte organiser d'autres visites à la prison d'Obruli pour vérifier les cas d'irrégularité, de la lenteur dans le traitement de certains dossiers soulevés au cours de cette visite par les prisonniers d'Obruli. Un autre cas déplorable qui n'est plus dans notre prison a été constaté dans cette maison de détention d'Obruli, selon Jean-Marie Chimilimana. C'est le cas de deux enfants de l'âge compris entre 2 ans et 3 ans qui sont dans cette maison de détention avec leur maman poursuivie par la justice. Jean-Marie Chimilimana demande à leur famille de les récupérer car la place de ces enfants innocents n'est pas dans cette prison. Toutefois, il salue le fait que les effectifs des détenus dans la prison d'Obruli ne dépassent plus énormément sa capacité d'accueil, contrairement aux autres prisons, car cette maison de détention d'Obruli compte aujourd'hui 260 détenus, alors que sa capacité d'accueil est de 250 personnes, selon le directeur de cette prison d'Obruli. Vous saurez que cette visite par l'association Nhabariza dans la prison d'Obruli a été effectuée à marge d'un atelier de formation sur les droits des détenus en matière de la santé et les modes de prévention du coronavirus, un atelier organisé par l'association Nhabariza Habariza à l'intention du personnel de la prison de Bururi. Depuis Bururi, Zenonza Mana pour la radio Isanganiro. Quittons la province Bururi au sud du Burundi pour nous rendre un peu plus au nord du pays, en province Muyinga, où la route reliant les communes de Gasorgwe et Gachoro dans cette province via la colline de Kirama n'est plus empruntée par les automobiles. Un pont situé à Karama a été détruit il y a une semaine alors qu'un camion chargé de planches tentait de le traverser. Une des conséquences est que le lycée Gisanze est privé de Fauzia Kabatesi. L'administrateur communal de Gachoro fait savoir que normalement, cet établissement s'approvisionnait en eau en utilisant le véhicule de l'école, mais qu'aujourd'hui, les élèves sont obligés d'aller puiser à la source tous les après-midi, alors qu'ils sont en pleine période d'examen. Côté Gasorgwe, l'administrateur Dieudonné Nionizigiye tranquillise et indique qu'un contrat de construction de ce pont a été signé ce lundi. Les détails avec Pierre Clavier à Barundi. Le lycée de Gisanze de la commune Gachoro est privé d'eau depuis une semaine. C'est l'une des conséquences de la coupure de la route Gasogwe-Gachoro via Karama suite à un pont qui a été détruit par un camion chargé de planches qui tentait de le traverser mercredi passé. L'administrateur Faudia Kabatesi de Gachoro fait savoir que cette école traverse présentement des moments difficiles. Elle s'approvisionne en eau grâce à cette route, mais depuis que la route est coupée, les élèves sont obligés d'aller puiser l'eau de source tous les après-midi alors qu'ils sont en période d'examen indicateur. Côté Gasogwe, l'administrateur Dieudonné Nionizigiye tranquillise. Selon lui, le pont sera bientôt construit et le contrat relatif a été signé ce lundi entre la commune et le constructeur. Pierre Clavier Barundi, Muyinga, Radio Isanganiro. De Muyinga, rendons-nous en province Bubanza pour parler encore une fois infrastructure. Les transporteurs des biens et marchandises empruntant à l'axe Bujumbura-Bubanza se lamentent dans long trajet effectué actuellement contournant la commune Gihanga pour arriver en province Bubanza et demande aux autorités de réparer le pont Murago afin de rendre la route Bujumbura-Bubanza encore une fois fonctionnelle. Et l'agence routière du Burundi l'on tranquillise et précise qu'ils sont en train de tout faire pour réparer ce pont. Les précisions de Spes Caritas Kabanyana. Les transporteurs qui se lamentent plus que les autres sont ceux qui ont comme destination Musenyi en commune Manda ou Muzinda en commune Rugazi car ils font un trajet en forme de cercle en passant par Gihanga. Les autres continuent vers Bubanza et Musigati et ils disent que l'ancien trajet d'environ 40 km a été augmenté d'à peu près 30 km suite aux différentes déviations. Elle demande aux autorités de faire réparer le pont de la rivière Murago afin que l'axe Bubanza-Bujumbura soit encore fonctionnel. Quand il n'y a pas beaucoup d'eau dans la rivière Murago séparant Bubanza et Bujumbura, les véhicules attendent les passagers de part et d'autre de la rivière et les passagers passent dans l'eau pour être embarqués et continuer la route soit vers Bubanza, soit vers Bujumbura. Et cela n'est pas possible en ce moment où les pluies sont abondantes selon les mêmes passagers. Dans l'agence routière du Burundi, on tranquillise et on précise qu'un pont provisoire est en train d'être construit sur cette même rivière pour faciliter la circulation des biens et des personnes en attendant qu'un autre pont en dur soit construit. Et les premiers matériaux sont déjà arrivés sur place selon Regis Mawenayo, directeur général de l'agence routière du Burundi, contacté au téléphone. Spes Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci à Spes Caritas Kabanyana. Les habitants de la colline Kirama de la zone Bugarama, commune et province Muramvya disent ne pas comprendre pourquoi jusqu'à maintenant ils n'ont pas encore reçu d'assistance lors des travaux de traçage d'une route d'une longueur d'environ 10 km. Ils disent éprouver des difficultés s'il faut évacuer les malades. Et après des visites effectuées dans différents quartiers du chef-lieu de la province Changhuzo, le gouverneur de cette province Boniface Banyezako donne un délai d'un mois aux ménages qui ne disposent pas de puiseurs pour évacuer les eaux des ménages et d'autres déchets domestiques de les aménager à l'intérieur de leur parcelle au lieu de laisser ces eaux couler dans les rues. Et des sanctions sont donc prévues à tout contrevenant à cette injonction. Une information que nous devons à notre correspondant en province Changhuzo, Raymond Moudende. Avant de suivre la chronique santé de ce mardi, la République démocratique du Congo devrait rejoindre la communauté est-africaine en sommet extraordinaire des chefs d'État de l'EAC a lieu virtuellement ce mardi pour décider de l'admission de la RDC. Cette adhésion marque la réalisation des plans du président Félix Tshisekedi qui, lors de son discours d'investiture le 24 janvier 2019, avait évoqué un rapprochement avec l'Est. En juin 2019, dans une lettre au président rwandais, alors président en exercice du sommet des chefs d'État de l'EAC, la RDC avait exprimé sa volonté d'intégrer l'organisation en cas d'admission. La RDC deviendra le 7e pays membre de la communauté est-africaine aux côtés du Burundi, du Rwanda, du Kenya, de l'Ouganda, du Sud-Soudan et de la Tanzanie. Radio Isanganiro, chronique santé. Une personne touchée par le stress post-traumatique peut guérir à présent traitement par des psychologues cliniciens. Le psychologue clinicien Alexis Hatungimana dit néanmoins que le recours à des thérapies individuelles peut être envisagé. Il conseille à l'entourage de soutenir un proche ayant des problèmes psychologiques. La chronique santé de ce mardi est signée Onela Mucho. La psychothérapie est centrale pour le traitement des troubles de stress post-traumatique où 90% des troubles mentaux n'ont pas besoin de médicaments. Le psychologue clinicien Alexis Atungumana précise que cela aide le patient à retrouver confiance en lui. C'est la psychothérapie, soit individuelle, soit de groupe ou communautaire, puisque ces situations, ces événements traumatisants, on les trouve dans la communauté. D'où alors la psychothérapie communautaire est requise, parce que la communauté est la première source de ce mal-être. Donc, la thérapie doit aussi toucher la communauté. Il y a plusieurs approches que le psychologue use en vue de, effectivement, réhabiliter la personne traumatisée. Et les spécialistes disent que 90% des troubles mentaux n'ont pas besoin de médicaments. On doit recourir à la psychothérapie pour, effectivement, débarrasser la personne de ces événements traumatiques qu'il a endurés depuis longtemps. Un accompagnement psychosocial reste nécessaire et important pour éviter des rechutes après le traitement. Vous verrez par exemple les gens qui ont quitté le centre neuropsychiatrique de Kamenge et qui sont retournés dans la communauté. S'ils ne sont pas accompagnés par un agent de santé communautaire ou un assistant social de la communauté, ils récidivent, c'est-à-dire qu'ils retombent dans la maladie. Cela parce qu'il est retourné dans le milieu traumatogène où il a puisé tous les maux qui ont fait qu'il soit malade. Il retourne là-bas. Donc, s'il ne trouve pas ce psychologue pour le faire ou l'accompagner psychologiquement, psychosocialement, donc il récidive et il retourne au centre neuropsychiatrique de Kamenge. Les agents de santé communautaire ne sont pas formés pour accueillir, pour accompagner les malades mentaux et insérer dans la communauté. Il conseille les gens à s'entraider comme meilleur moyen de prévention contre ces maladies. La prévention, oui, c'est la sensibilisation au niveau des communautés pour que la communauté vraiment soit sensible à ceci et pour qu'ils puissent vraiment s'entraider. Et nous sensibilisons à la communauté de s'entraider. Disait de l'amour, de ne pas faire de violence au niveau des communautés. De vivre paisiblement au niveau des communautés. Une fois que le patient néglige de se faire soigner, il peut atteindre le stade de la psychose chronique. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Claire Irakoze et François Kimana qui a assuré la mise en onde. Très bon après-midi à tous. Au revoir.